c'est moi ou bien on se voit souvent cette année là, la gâchette en show, mais ça me dit que vous jouez beaucoup. Ouais, ben c'est une bonne année là. Là vraiment c'est une bonne année. On a eu la tournée en Europe, puis habituellement quand on revient d'Europe, on n'a rien. Puis pour nous autres, des fois, je sais pas pourquoi, mais des fois, c'est compliqué de s'occuper chez nous. Mais cette année, la réponse des promoteurs a été très positive. Fait qu'on se promène pas mal. Puis on est bien contents. Là, on a une bonne été. Là. L'histoire courte, c'est qu'on joue plus l'été. C'est juste ça. Ouais. Habituellement, on joue pas en tout l'été. Habituellement, on est un band d'hiver. Puis on est pas dans les tempêtes de neige. Fait qu'on est bien contents de faire de la route cet été. C'est ça. Hey, question de même, c'est vous autres ou bien c'est Dave qui vous a approché pour le Grand Yorman? Ben, ça faisait une couple d'années que je jouais avec mes autres bands ici, puis à chaque fois, je me faisais demander, hey, jouez-vous, puis me faisais parler de la gâchette. Fait que je lançais à Dave, là, Dave, ah, cette année, ça donnera pas trop. Puis là, cette année, ben, il m'est revenu, gars, j'ai une place, ça vous tente cette année? Je dis, ben oui, on va le faire, certain. Ah oui? Ça faisait un peu. Fois qu'on est venu jouer au Grand Yorman, c'est plus 5 ou 6 ans. Fait que... Ah, plus que ça, parce que c'était tout petit encore, puis il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était pas connu comme festival, c'est dans ses premières éditions. Ça fait plus que 5 ans, là, ça fait. Ouais. Le stage était pas hot de même, là. C'était un stage, il n'y avait pas de toit, là. Je vais te contredire, mais on a joué une fois ici, c'était bien. C'était un groupe que tu avais joué avec les Ernie Bitches au drum avant. 20 ans de soumission, là. C'est-tu le fait que la gâchette elle a 20 ans ou bien les soumissions, c'est parce que la gâchette, c'est comme DIY. Puis cet album-là, il est sur aucun label, là. Il est autoproduit par vous autres. Non, en fait, il est sorti sur Ronce Records. Pour le vinyle? Pour le vinyle, mais la version CD. Ouais. On a fait une version CD vite fait parce qu'il fallait partir en tournée. Mais on avait déjà entendu avec Ronce pour le sortir en vinyle. Okay, avec Tortue? Mais c'est ça. Okay. Mais on n'avait pas le temps. Vu que le vinyle, c'est plus long, on a fait l'édition CD par nous-mêmes pour que ça soit rapide. Puis, de toute façon, les CD, aujourd'hui, ça coûte quasiment plus rien à produire. Là. Puis vous êtes rentré dans votre cash par rapport au fait de l'autoproduction? Oui, on a fait une tournée, puis c'était déjà tout payé, puis on avait... En tout cas, non, ça, il n'y a pas aucun problème avec ça. Parce que pour dans ta face, je pense que ça avait été plus dur. Ça a été très dur parce qu'on a fait les CD, les vinyles, toute la patente par nous-mêmes. OK. Puis on avait été jusqu'en Russie avec cet album-là, puis on s'avait planté. Pas à peu près. Comment ça? Ça a été une année dure, ça. Parce que les gens en Russie, l'Europe de l'Est, les gens sont super accueillants, sont vraiment sympathiques, mais la valeur monétaire là-bas, les gens ont pas beaucoup d'argent. Fait que, quand tu veux changer des rôles, tu reviens, tu penses que t'es riche, puis là, tu te rends compte que, ça vaut pas grand-chose, finalement. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on a perdu un peu d'argent, mais on a eu beaucoup de plaisir. La Russie a perdu nos guitares en chemin. On a eu beaucoup de galère cette tournée-là. On était pas allé dans une tempête de neige en Slovaquie. Des cancellations de shows, Booze and Glory, qu'ils ont chié ça dans la pelle carrément. Puis qu'en dernière minute, t'as qu'une autre cancellation. Ouais. Mais on a joué au Punk and Disorderly avec Toy Dolls, puis c'était trippant à mort. Ça a guéri tout. Ça a dû. J'imagine. On est tombé en jeunesse. Puis après ça, la veille de voir Exploited backstage, ça, c'est vraiment cool. Aussi. Ouais. Donc, merci à Booze and Glory d'avoir cancellé la date. On a pu se péter à la face avec Exploited. Voilà. Tu sais, quand vous jouez en show, là, OK? Quelles sont les trois tunes sur 20 ans d'insoumission? Mettons, le rapport au public, ça a l'air à dire, ah, celle-là, on l'a refait parce que si le monde a l'air attribué. Ben, moi, j'ai marqué l'instinct de tuer quand on la joue, là, ça réveille le monde. OK. Ça réveille le monde, puis. Capuche, celle-là, ben bonne en estime. Ouais, puis c'est comme un peu. Ça rappelle un peu notre vieux son qu'on avait avant. C'est une tune rapide, puis ben rentre dedans, puis. Puis ben le fun à jouer aussi. Ouais, puis je te dirais Vengeance aussi. Vengeance aussi, ouais. Quand on passe ça, 1-2, fuck you, là. Puis Urgence, ouais. Une qu'on fait moins souvent, qu'on a plus fait en Europe, par contre, La Nuit Longue. Ouais. On pogne bien en Europe. C'est vrai que si je l'ai jamais entendu, hein. Tu l'entendras pas non plus. Non! Fuck that! OK. Ben peut-être si on se la fait demander à répétition. Un show en tabarnak, puis même à ça, fuck that. Non. Si on se la fait demander à répétition, on va la faire. Mais on se la fait pas demander ici. Il mange la bande! OK. Éric, le fait de jouer avec Crawlers puis la gâchette qui sont quand même deux gros bands, est-ce que tu trouves ça dur un peu avec ta vie puis tout ça? Non, je m'organise très bien. J'ai des patrons très compréhensibles. Je suis même surpris. Je pense tout le temps que je vais perdre ma job, mais ils m'en reprennent tout le temps quand je reviens. OK. Fait que je touche du bois. Puis le fait de jouer avec Prowlers, ben ça m'aide pour les contacts parce que vu que c'est dans le même milieu, c'est le même, t'sais, c'est la même scène, c'est pas mal les mêmes bookers. Fait que ça m'aide pour d'autres contacts, pour la gâchette aussi, parce que ça me permet de rencontrer d'autres mondes. Fait que moi, le fait de jouer avec Prowlers, ça a plein d'avantages. Ça t'ouvre des portes, en fait. Si ça aurait des désavantages, j'arrêterais ça. Mais pour l'instant, je pèse le pot puis le contre, puis le pot, il est pas mal pesant. Il en porte beaucoup. Ouais. Okay. Guillaume, même chose, mais par rapport au fait que t'as offside puis la gâchette, est-ce que ça devient gros? Ben comment tu gères tout ça? Des fois, ça peut être dur à gérer, des fois sur les dates, pas booké, le double booking, des fois sur les shows. Gérer ou digérer? Gérer aussi, des fois. ouais, puis c'est ça, bon, on essaye quand même de régler nos calendriers pour pas que ça encombre sur les autres dates avec les deux groupes. Okay. Des fois, ouais, ça peut être dur aussi. Je vais pas parler de ça. Non, mais ça, pour les patrons, mon boss aussi, job, ouais, il n'y a aucun problème. Je fais partie en tournée quand que je veux, j'ai un bon patron. Mais ouais, c'est ça. C'est bon. Comment s'annonce 2020 pour la gâchette? Question, on pourrait dire, ça peut être des EP, des LP, des concerts ou des shows. En fait, c'est que l'année 2020 pour la gâchette, c'est quoi? Au Mexique pour le 2020. Ouais, okay. Ouais, c'est sa ligne pour qu'on retourne au Mexique. On va aller faire une petite tournée, plus aller vers le nord du Mexique, parce qu'on l'a jamais fait. Puis apparemment, il y a de la demande là-bas. Donc, on voudrait leur rendre une petite visite, là, parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Ça fait quand même 2 ans. Trois ans. Ouais. C'est pas Eric m'avait dit une fois qu'au Mexique, les Mexicains, ils chantent vos chansons. Chantent les chansons en français, oui. Ouais. Parce qu'on voulait, essayer le Chili, peut-être la Colombie, mais la demande n'est pas encore assez grande. Fait qu'on va attendre encore un peu. Mais on s'est fait demander pour le Mexique, puis à chaque fois, on se fait demander pour aller jouer au Nord, puis notre booker qui s'occupe de nos affaires là-bas, il voulait jamais. Parce qu'il disait, je vous amène pas au Nord, parce que ça va être trop dangereux, puis blablabla, puis il va y avoir trop d'histoires de merde. Mais finalement, ben la dernière fois, ils ont essayé de nous envoyer dans le Nord, puis ils commencent à avoir des bons contacts là-bas, puis du monde fiable. Fait que là, cette année, on va le faire pour la première fois. Ben cette année. L'année prochaine. On s'aligne pas mal pour ça. Ouais. On est en discussion avec le promoteur, puis là, on check pour les billets d'avion aussi, parce que probablement, on va commencer par le Nord, puis peut-être descendre vers le Sud. On sait pas trop. On est en train de checker un itinéraire avec le promoteur en ce moment. Mais pour essayer de faire au moins habituellement on fait juste 3 ou 4 concerts, mais là on aimerait ça en faire à peu près si possible une dizaine là. Ça serait cool là. En tout cas, on va voir, on est encore en préparation, mais ça serait cool de faire une tournée un peu plus longue là, au Mexique. Good. Finalement, combien de chansons allez-vous jouer ce soir? Oh, je me rappelle plus ça fait combien, mais on joue une demi-heure. Exactement, c'est environ 12 chansons. Ah, c'est 12 tunes. Parfait, ça. 10 à 12. Fait que vous commencez avec laquelle? Avec l'intro, fait que tu sais pas c'est quoi. Ah ben, Hymne à la bière? Non, pas Hymne à la bière. Plus loin. Elle s'appelle Intro. Hey, en tout cas, merci pour Jerry, l'autre fois. La Trois-Bières est bien aimé ça. Ah, ben ouais. Un peu, je l'avais pas entendu, Jerry. Ben contact. Jouer on the fly juste pour toi. Yes sir. Si tu l'as aimé, ça nous fait plaisir parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on l'avait pas joué. Fait qu'on a joué. J'espère que t'en as profité pour le jouer. Ah ouais, vous l'avez bien joué. Parfait. Bon show là. Merci. Merci.